éternel s'ils deviennent musulmans, d'accord? Donc le mot djihad, comme on voit dans ce hadith, englobe beaucoup de combats. Le combat par l'épée, le combat par la parole et le combat par l'argent. Alors que le mot qatala, c'est le combat par l'épée seul. Donc je reviens au verset. Allah Azza wa Jalla dit: Qatilu alladhina la yu'minuna billahi wa bil yawmil akhir. Combattez donc par les armes ceux qui ne croient pas en Allah et non plus au jour dernier. Wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu. Et qui ne rendent pas haram, donc qui ne déclarent pas que c'est interdit haram, ce que quoi Allah Azza wa Jalla a rendu haram et son messager. Wa la yadinuna din al-haq. Et qui ne pratique pas la religion de vérité, qui est l'islam. Min al-lavina utul kitab, parmi les gens du livre, c'est-à-dire le livre, quand on dit les gens du livre, c'est-à-dire les gens de la Bible, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, d'accord? Utul kitab, c'est-à-dire les gens de la Bible. À savoir que la Bible vient du mot biblos, et biblos veut dire livre. Biblos, Bible, veut dire livre, d'accord? Et quand il y a dans le Coran, dans la Sunna, on dit Ahlul Kitab, les gens du livre, c'est-à-dire les gens de la Bible, juifs et chrétiens. Et là, entre guillemets, sachez que ça englobe tout juif et chrétien, et on ne s'occupe pas de leur secte entre eux, entre chrétiens, entre protestants, catholiques, témoins de Jéhovah, qui font partie des chrétiens, ou je ne sais, orthodoxes, ou je ne sais quoi encore. D'accord? Et c'est pareil pour les juifs. Même les juifs du Talmud. Ces mécréants qui sont de la plus grave mécréance qu'il peut avoir. Walayyadu billah. Donc Allah Azza wa Jal a dit donc il faut combattre ces gens-là, combattre ces mécréants. Hatta, là c'est ce qu'on appelle en arabe harf al-ghaya, c'est une particule pour mettre un but visé. C'est jusqu'à quand? Jusqu'à ce que quoi? C'est-à-dire qu'on les combat ces gens-là, les gens du livre là, ces mécréants. Pourquoi on les combat par les armes? Les armes. Pourquoi? Hatta yu'tul jizya an yadin wa hum sagirun. Jusqu'à ce qu'ils donnent la jizya, donc la jizya c'est la capitation, ce n'est pas une zakat. Attention, ce n'est pas une adoration pour eux. Quand un kafir donne une jizya, il ne fait pas d'adoration. Le kafir peut faire n'importe quelle adoration, même s'il est sincère envers Allah, elle n'est pas acceptée à cause du kufr qu'il a, d'accord, du shirk qu'il a. Donc, pourquoi c'est que ça sert à quoi la jizya? Quand un kafir donne la jizya à la capitation, c'est quoi? Ça lui permet d'être sain et sauf et de préserver ses biens, d'accord, et son sang. Ça veut dire qu'après, quand il donne la jizya, comme je l'ai dit la dernière fois, le musulman n'a pas le droit de toucher ni à son sang ni à ses biens. Sinon, si par exemple il vole l'argent d'un ce qu'on appelle un dhimmi, dhimmi c'est par exemple un chrétien ou un juif qui paye la jizya, si un musulman lui vole son argent, et bien qu'est-ce qui se passe? Déjà il fait un grand péché, donc le musulman va aller en enfer, et ensuite on lui coupe la main, et ça c'est par ijmar, c'est par unanimité. D'accord, pour le prix du sang c'est autre chose, mais pour le vol, vous allez voir dans n'importe quel mazhab, dans n'importe quelle école, parmi les quatre écoles ou autres, il y a ijma sur ça. Le musulman qui vole de l'argent à un dhimmi, c'est-à-dire un mécréant qui paye la capitation, on coupe la main du musulman parce qu'il a volé à un mécréant, d'accord, un mécréant à qui on avait un pacte et qui donnait la jizya. Mais par contre, nous pourquoi on les combat? C'est jusqu'à ce qu'ils donnent cette jizya à un yadin d'une main. Wahum sariroun, sariroun, ce n'est pas sariroun, c'est pas petit. Sarir, petit, c'est sarir. Sarir, ça veut dire autre chose que petit, bien que c'est une petitesse aussi. Wadhul marrida, en arabe. C'est adhul et wadhalil marrida. C'est-à-dire qu'il est humilié, warrida, avec l'agrément, c'est-à-dire qu'il faut qu'il montre un certain agrément, comme quoi il accepte cette humiliation entre guillemets. D'accord? Et comme vous le savez, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait une troupe pour faire le djihad, il lui disait quand vous arrivez devant un peuple de mécréants, vous leur proposez trois choses. Soit ils deviennent musulmans, à ce moment-là ce sont vos frères, il n'y a pas de problème, ce sont des musulmans, donc c'est fini. Ils ont les mêmes droits, les mêmes obligations que n'importe quel autre musulman, automatiquement c'est fini, il n'y a rien. S'ils refusent l'islam, eh bien ils payent la jizya, c'est-à-dire qu'ils restent sur leur mécréance. D'accord, mais ils payent cette jizya et ils doivent obéir au gouverneur musulman. Et s'ils refusent ça aussi, c'est-à-dire que s'ils refusent l'islam, mais sauf la jizya qu'est-ce qu'il y a, bien il y a al-qital, il y a le combat par les armes. Et là, on verra dans le djihad qu'est-ce qui se passe, notamment qu'est-ce qu'on fait des femmes et des enfants, etc. On les met en esclavage, comme on va le voir, inshallah. Mais ça, c'est dans le cours de fiqh, on n'est pas encore au livre du djihad. Ensuite, Allah Azzawajal a dit, قال الله سبحانه وتعالى, إن الدين عند الإسلام, استغفر الله, إن الدين عند الله الإسلام. La religion auprès d'Allah, c'est l'islam. C'est-à-dire que Allah Azzawajal n'accepte que l'islam comme religion. Voilà, j'ai fini la notation pour ce petit épître du cheikh Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah. Il est 22h06, je vais, inshallah, oui, vous le dire juste, le prochain épître du cheikh Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah, qui est celle-ci, Shurutu la ilaha illallah, les conditions du la ilaha illallah. D'accord, les conditions du la ilaha illallah, on a dénombré 7. Certains ont dit qu'il y en a 8, mais la 8e, en fin de compte, elle est comprise dans la première, ou elle est comprise dans le la ilaha illallah. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, la meilleure parole, Inch'Allah, c'est le fait de dire qu'il n'y en a que 7, parce que la 8e, elle est comprise déjà. La 8e condition, elle est comprise déjà. Donc, il y en a 7 conditions. Encore le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, shurut la ilaha illallah, les conditions du la ilaha illallah, et ils sont autant au nombre de 7, et il va les citer. Et certains ont, il y a un savant qui a, je ne pourrais pas vous dire c'est lequel, que c'est cette condition, il en a fait un vers de poésie, d'accord, et il a dit ceci: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. Je répète. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. Alors, dans cette phrase-là, qui est un, on va pas dire normalement un shir, mais on va dire un novm. En français, on va dire un poésie, d'accord. Et ça, c'est ce qu'on appelle bait. C'est un vers en lui-même. Il a dit ceci: Rim, une connaissance. Donc, la connaissance du la ilaha illallah, ça, c'est la première condition. Yaqinun, donc al-yaqin, la certitude, qui est autre chose que la connaissance, que le savoir, que le rilm, d'accord, que la connaissance. Et on va l'étudier ça la prochaine fois, Inch'Allah. Là, je dis juste ce, vite fait, les sept conditions sous ce vers. Après, le cours s'arrêtera ici. On développera cela demain, Inch'Allah. Wa ikhlasun, donc ikhlas, l'ikhlas, la sincérité. Wa sidquka. Et à sidq, donc là c'est la véracité. Ma mahabbatin, avec l'amour. Donc al mahabba, c'est aussi une condition. Wan qiyad, al inqiyad, la fameuse inqiyad, qui est d'ailleurs les gens de l'Irja, en fin de compte, ne rentrent pas dans les conditions du la ilaha illallah, comme on voit, parce que l'inqiyad, on va dire, c'est l'obéissance parfaite, on pourra dire. Wal kaboul ilaha, et al kaboul, ou l'acceptation. Et ça, comme on va le voir, Inch'Allah, certains n'arrivent pas trop bien à faire la différence entre l'inqiyad ou l'al-kaboul. L'inqiyad, c'est par rapport au corps, donc c'est l'obéissance, donc faire les obligations. Ou l'al-kaboul, c'est par rapport au cœur, c'est accepter cette parole par le cœur. Voilà. Il est 22h11. Je vais vous remettre la possibilité de pouvoir écrire, de poser des questions, Inch'Allah. Bien sûr, comme je l'ai dit, alors le tawhid, d'accord, touche beaucoup de gens. Ça nous touche tous, donc je vous demanderai de vous modérer vous-même. Barakallahu fikoum. J'aimerais qu'il n'y ait seulement que des questions, pas autre chose, et sur le cours là qu'on vient juste de faire, et pas sur autre chose, et pas essayer de développer un autre point de la aqida, même s'il est important, et il va venir, Inch'Allah, que ce soit le rose biljal ou autre chose. Barakallahu fikoum. Voilà, maintenant vous pouvez, salam, vous pouvez, Inch'Allah, poser vos questions, allez-y. Donc voilà, maintenant vous pouvez poser vos questions, vous pouvez écrire, allez-y. Si vous avez tous bien compris, donc pas de problème, Inch'Allah. Oui, Hilal 25, si tu veux poser une question, tu peux l'écrire. Barakallahu fik. Hillel 25, Barakallahu fik, pose ta question déjà par écrit, après on verra inshallah si oui ou non tu pourras prendre le micro. On m'a dit certaines choses sur certaines personnes et je voudrais pas que ça se déroule mal. On m'a dit que certaines personnes avaient un langage très insultant, très vulgaire. Donc pose ta question déjà par écrit, Barakallahu fik. Donc Ilouz pose la question, les femmes des mécréants peut-elle être nos esclaves? Alors ça, donc cette question, la réponse va avoir lieu, comme je veux dire, dans le fiqh, d'accord? Donc ça, là, ça va venir dans le fiqh. Et concrètement, j'ai déjà à plus ou moins répondu dans le cours. Quand on fait le djihad et que les koufars donc ne veulent pas ni devenir musulmans, ni payer la jizya, et que donc les mujahidoun ils prennent par force, par le combat, par une ville, et donc comme on va le voir, les femmes. Les enfants deviennent esclaves, comme on va voir dans le chapitre du djihad. Barakallahu fikoum, essayez de rester sur le cours. Barakallahu fikoum. Attendez, oh là là, Abou Anfel 21 dit tout à l'heure, vous avez dit ce qu'ils disent que la hijab n'est pas obligatoire. Ce sont des mécréants, j'ai pas dit ça. Vous pouvez donner des dalils et existe-t-il une divergence sur le sujet? Soit je me suis mal exprimé, donc je astaghfirullah, et ensuite je vous demande pardon si je me suis mal exprimé, ou soit c'est Abou Hanfal 21 qui a mal compris mes propos. Dans tous les cas, je vais bien être clair là. Tout à l'heure, vous avez dit que ceux qui disent que la hijla n'est pas obligatoire sont des mécréants. C'est pas faux. C'est faux. J'ai pas dit ça qui sont mécréants. À savoir qu'il y a divergence, notamment la majorité des savants disent qu'une personne qui vit dans Dal Kufr et qui peut appliquer ce qui est obligatoire dans l'islam, la hijra n'est pas obligatoire pour sur lui, mais elle est mustahabba, elle est seulement conseillée. D'accord? C'est bien de le faire, mais c'est pas wajiba, comme c'est la parole de Ibn Qudama dans son livre Al-Mughni. D'accord? Donc, j'ai pas jamais dit que celui qui dit que la hijra n'est pas obligatoire, c'est un mécréant. Hein? Attention. Ou alors, je me suis mal exprimé. Hein? Donc, je n'ai pas donné la délit, je rectifie ceci. Ou soit c'est Abou Anfal qui a mal compris. Barakallahu fikoum. Il a 25 instituts, tu es de quel minhaj? Bah, présente-toi déjà d'abord, mon frère. Il a 25. Toi, tu es de quel minhaj? Abou Tamima, si on a une esclave qui sont prêtes à l'islam, on fait quoi? Ah, bah, si tu es. Abou Tamima, si tu es musulman, d'accord, je dis bien si tu es musulman, parce que si tu es mécréant, on va étudier ça, mais ça, c'est une question de fiqh, les frères, ça, on va étudier ça, Inch'Allah. Parce que si Starfall, t'es pas mécréant, mais si une personne, une mécréante, possède une femme esclave. Mécréante, et après qu'elle se convertisse, là il y a une petite divergence, il y a une parole sur ça. Mais si, par exemple, c'est toi qui est musulman et qui, comment dirais-je, Starfallah possède une femme esclave, ce qui est tout à fait halal, et qui est mécréante, et puis un jour devient musulmane, ça fait quoi? Et bien ça fait que, masha'Allah, elle devient ta sœur dans l'islam, et qu'Inch'Allah, si elle meurt sur l'islam et qu'elle était sincère sur son islam, comme toute autre personne libre ou esclave, et bien elle ira au paradis, Inch'Allah. Sinon, ça change rien, elle est toujours esclave. Ahilouz, frère institut, Bouns. Je ne sais pas, je suis nouveau dans tout ce qui est paltalk, c'est-à-dire que les termes techniques. Ça veut dire quoi, Bouns? Donc apparemment pas de H Lilouz, peux-tu me dire ce que veut dire le mot Bouns? Parce que je ne sais pas ce que ça veut dire.